France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Une comédie burlesque en trois actes, ça ne se refuse pas. Un piano, des vers et des cuillères, un opéra à réécrire, du sucre, un peintre animalier, un gendre, bien sûr, une fiancée, évidemment, des quiproquos, des malentendus, des méprises. Bref, nous sommes chez Feydeau et dans Chat en poche. Première diffusion sur la chaîne parisienne, le 24 décembre 1955. Dans le cycle consacré à Georges Feydeau, la radiodiffusion française présente Jean de Bucourt, sociétaire de la Comédie française, Robert Murzeau, Jeanne Fusier-Gire, Bernard Lajarige, Jean Le Poulain, Monique Delaroche, Jacqueline Maillan, Jacques Ealing dans Chat en poche, comédie burlesque en trois actes. L'émission est réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. À manger au Parc des Princes. Une porte vitrée donne sur le jardin. Une table est servie et cinq convives y déjeunent. Excellent, ce canard. La recette est du docteur Landerneau. Mais parbleu, c'est le canard à la rouennaise. Tout le mystère est dans la façon de le tuer. C'est très simple. Au moyen d'une constriction exercée de la main contre le cou du canard, n'est-ce pas, l'air ne pénétrant plus dans le thorax, l'hématose se fait incomplètement, ce qui amène des extravasions sanguines dans le tissu cellulaire qui sépare les muscles susioïdiens et sousioïdiens par conséquent. Oui, enfin, vous lui tordez le cou. Ces médecins, ça ne peut rien dire comme les autres. Enfin, c'est excellent. Avec ça, ce canard est d'un temps. Ah, c'est ma femme elle-même qui l'a acheté. Eh oui, figurez-vous que j'avais même oublié mon porte-monnaie. Et voilà que j'avais pris le tramway. Oh, heureusement qu'il y avait là un jeune homme très galant qui m'a prêté 6 sous. J'ai dû être très aimable avec lui. Il y a toujours des hommes pour les bonnes occasions. Oui, seulement il n'y a pas de bonnes occasions pour tous les hommes. Et Tiburce, apportez-nous le champagne. Tiburce va chercher le champagne sur le buffet pendant que la bonne enlève les verres à vin et la carafe. Ah, je l'adore, mais mon mari, le docteur, me le défend. Il dit que ça m'excite trop. Il ne me le permet que pour mes bains. Oh, pauvre chatte. Alors, tendez vos verres. Et vous savez, c'est du vin, je ne vous dis que ça. Il me vient de Troyes. Oui. Ville aussi célèbre par son champagne que par le cheval de ce nom. Oh, mais non, papa, le cheval et le champagne, ça n'a aucun rapport. Ça ne s'écrit même pas la même chose. Mais pardon, ai-je dit que cheval et champagne, ça s'écrivait la même chose? Oh, mais je ne te dis pas, mais il y a 3 et 3, ce qui fait 2. Permettez, 3 et 3 font 6. Ah, c'est très drôle. Messieurs, mesdames, je demande la parole. Laissez parler, monsieur Pacarel. Parle ! Mon mari était fait pour être tribun. Messieurs, mesdames, on ne pourra pas nier... Oh ! À propos de panier, ma chère Amandine, j'ai retrouvé le vôtre. Votre panier à ouvrage. Mon panier, à moi qu'il cherche. Messieurs, mesdames... Allez, ensuite, mais allez-vous bientôt me laisser parler ? Mais va, mon ami. Amandine, vous me ferez penser de vous le rendre tout à l'heure. Messieurs et mesdames, et surtout toi, ma fille... Je vous ménage une surprise. Ah. Tiburce, apportez-nous les rince-bouches. Non, mais c'est ça ta surprise ? Non, non, c'est une interruption. Je veux m'habituer pour si jamais je suis député. Eh bien, Tiburce, vous n'entendez pas ? J'ai demandé que vous m'apportassiez les rince-bouches. Voilà, je vais vous l'apportasser. D'abord, on dit apporter, on ne dit pas apportasser. Oh, je pensais faire plaisir à monsieur, comme monsieur vient de le dire. Oh, les maîtres. Monsieur Pacarel, vous avez la parole. Ah, la surprise. Voilà, je serai bref. Julie, tu t'es illustrée dans la famille par la confection d'un opéra. Tu as refait Faust après Gounod. Gounod était né avant toi, il était tout naturel qu'il eût pris les devants. Ton Faust, j'ai résolu de le faire jouer à l'opéra même. Je me suis enrichi dans la fabrication du sucre par l'exploitation des diabétiques. Il ne manque plus qu'un peu de lustre à mon nom.